la robe de la vieille qui porte le deuil. Noir, le drapeau de l'espoir qui la commande. Rouge, le sang qui coule dans le ruisseau. Rouge, la colère qui me monte du vent. Peur de vieillir sans avoir joui de tout. Peur à 15 ans d'être vu se masturbant. 32 kilos, le poids dans le Guermaes le jour de sa mort. Dynamite pour faire sauter l'Élysée. Haine de l'ordre, de l'armée et de tout pouvoir. Haine du vide de la vie quotidienne. Imbécile, la radio et télé nationale. Imbécile, les princes. Judiciaire européen, espace où se baladent des satellites chargés de bombes. 4 années de prison pour nos camarades autonomes. 4 les frères Villot, c'est à de mer de Diffor. We'll be right back.